إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن أسماء الله جل وعلا أن أسماء الله جل وعلا وصفاته أسماء وصفات كمال، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن صفاته جل وعلا صفة الرحمة، فالرحمة صفة من صفات الله جل وعلا، وهي رحمة لائقة بجلاله، ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الرحمة التي اتصف الله بها رحمة عامة لكل الخلق، فمن كمال رحمته أنه أوجد الخلق على أحسن صورة. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن رحمته عز وجل أن تكفل برزق عباده، فلم يكل أحدا إلى أحد، وإنما تكفل سبحانه برزق الجميع، فلا الأولاد وكلوا لآبائهم ولا الآباء لأولادهم، بل الجميع تحت فضله وكرمه وإحسانه. قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقال عز من قائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ومن رحمته عز وجل أن سخر لنا ما في السماء والأرض جميعا منه لقيام مصالح حياتنا وانتظام معيشتنا. Chers musulmans et musulmanes, sachez qu'Allah عز وجل détient les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Il dit subhanahu wa ta'ala: rien ne lui ressemble, mais c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, l'attribut de la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala est le tout miséricordieux, et sa miséricorde est propre à lui Azza wa Jal, lorsqu'il dit son le sens: et ma miséricorde est plus vaste que tout, que toute chose. Cette miséricorde, qui est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, englobe l'ensemble de ses créatures. C'est de par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala qu'il a créé ses créatures et leur a donné la plus belle des apparences. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens: nous avons certes créé l'être humain dans la forme la plus parfaite. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Parmi sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, et de par sa miséricorde, il prend en charge la pourvoyance de ses serviteurs. Il n'a chargé personne pour subvenir et pour donner la pourvoyance à quiconque. Allah subhanahu wa ta'ala prend entièrement en charge la subsistance de ses serviteurs et de ses créatures. Il dit Azza wa Jal selon le sens que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture. C'est Allah qui les nourrit ainsi que vous. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une bête sur terre ni dans les cieux sans qu'Allah Azza wa Jal ne prend en charge sa pourvoyance et sans qu'Allah ne connaisse son gîte et son dépôt. Tout est parfaitement écrit dans un livre manifeste. De par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, il a créé pour nous les cieux et la terre afin que nous puissions vivre dans les meilleures conditions. Wa min rahmatihi jalla wa ala bi khalqihi أن بعث الرسل مبشرين ومنذرين يعرفون العباد ربهم ويدعون العباد إلى عبادة الله وإخلاص الدين لله ويعلمونهم الحق ويحذرونهم من سبيل الباطل والضلال ومن رحمته جل وعلا بنا أن بعث فينا سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فرسالته رحمة لعموم العالمين والكتاب الذي أنزل عليه نذير للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فرحم الله البشرية كلها بمبعث هذا النبي الكريم الذي جعل الله رسالته رسالة عامة لكل الثقلين منذ بعث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ومن رحمته عز وجل بالعباد هذه الشريعة الكاملة في مبادئها ونظمها وقيمها وأخلاقها فهي شريعة كاملة شاملة المصالح ومصلحة لكل زمان وجيل من الناس قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فرحمنا الله بهذه الشريعة الشاملة العامة التي وضع الله فيها الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا قال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فهي شريعة مبنية على اليسر والتسهيل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Et de par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, il a envoyé à ses créatures des prophètes et envoyés qui annoncent les bonnes nouvelles et avertissent, des envoyés qui font connaître aux serviteurs leur Seigneur, des envoyés qui appellent les gens à adorer Allah Azza wa Jal et à lui vouer un culte exclusif, des envoyés prophètes qui enseignent aux gens la vérité et qui mettent en garde les gens contre la fausseté et l'égarement. Et de par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé à nous les musulmans le meilleur des prophètes et envoyés, le guide des pieux, Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour l'ensemble des mondes. Et le livre qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est un avertissement pour les mondes. Gloire à celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur afin qu'il soit pour les mondes, un avertisseur. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Allah Azza wa Jalla a donc fait preuve de miséricorde envers l'humanité lorsqu'il leur a envoyé ce prophète béni, alayhi salatu wassalam, dont Allah Azza wa Jalla a fait du message, un message général et universel pour l'ensemble des êtres humains ainsi que des djinns. Et ceci depuis la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'Allah ne décide de la fin des temps. Ô vous les gens, je suis dit, ô vous les gens, je suis le prophète d'Allah pour vous tous. Et de par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé sa législation qui est parfaite, parfaite dans ses principes, parfaite dans son organisation, parfaite dans ses valeurs et dans les comportements auxquels elle appelle. Une législation divine qui est valable en tout temps et en tout lieu. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai comblé pour vous et je vous ai comblé de bienfaits et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Allah Azza wa Jal a fait donc part de miséricorde à l'égard de nous-mêmes en nous légiférant cette législation musulmane par laquelle Allah Azza wa Jal a ôté et a levé les fardeaux et les carcans de ceux qui étaient avant nous. Il dit subhanahu wa ta'ala en décrivant son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur ôte les fardeaux et les carcans qui étaient sur eux auparavant. Cette législation qui est basée sur la facilité, il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Ayyuha al-muslimun, inna rahmatallahi ta'ala yanaluha al-abdu idha akhada bi asbab ar-rahmah wa min asbab ar-rahmah rahmatuka bi ibadillah. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء واعلموا أن هذه الرحمة لا تنزع إلا من شقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرحم الرحماء من عباده فيقول عليه الصلاة والسلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. رحمة الله عز وجل واسعة. خلق الله 100 رحمة أنزل جزءا في الأرض ثم به تتراحم الخليقة كلها حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها كراهية أن تمسه بسوء. وادخر عز وجل 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le musulman bénéficie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il met en œuvre les causes qui lui permettent de bénéficier de la miséricorde divine. Et parmi les causes qui te permettent aux musulmans et musulmanes de bénéficier de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait que toi, tu fasses preuve de miséricorde envers les serviteurs d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les miséricordieux sont sous la miséricorde du miséricordieux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre et sera miséricordieux envers vous celui qui est au-dessus des cieux. Soyez donc miséricordieux, chers musulmans et musulmanes, envers les habitants de la terre. Et sachez que la miséricorde n'est ôtée que du malheureux. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, et la miséricorde n'est ôtée que du malheureux. Et il nous informe sallallahu alayhi wa sallam que celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens, Allah n'est pas miséricordieux envers lui. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala a créé sans miséricorde. Il n'a fait descendre sur cette terre qu'un 1/100 de cette miséricorde. Et c'est par ce 1/100 de miséricorde que les créatures font preuve de clémence les unes envers les autres. Et c'est ainsi, et c'est également pour cela que l'animal lève sa patte pour ne pas blesser son petit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a gardé auprès de lui les 99e autre partie de la miséricorde. Et c'est par ces 99 parties de miséricorde qu'Allah Azza wa Jal rentrera dans sa miséricorde ses serviteurs le jour du jugement. Ayyuha al-muslimun, fa'ulama tamma takunu rahiman, kun rahiman binafsik, irham nafsak, ban tunqidha min azabillah, واسعى في فكاكها من عذاب الله بطاعتك لربك وقيامك بما أوجب عليك. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فارحم نفسك من عذاب الله، قها عذاب الله بطاعتك لربك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم اعلموا أيها المسلمون أن أولى الخلق برحمتك أن ترحم أبويك اللذين هما السبب في وجودك بعد الله، ترحمهما رحمة صادقة، تتذكر أفعالهما الجميلة وتلكم الليالي والأيام التي أمضياها في الإحسان إليك وتربيتك وتهذيبك والإنفاق عليك. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ترحم الأم عند كبر سنها وعجز قوتها، فالخطاب الطيب والسمع والطاعة والخدمة والنفقة وبذل المعروف. وترحم الأب عند عجزه وضعفه، فتحسن إليه كلاما طيبا وخدمة وإحسانا ورفقا وقياما بالواجب. Puissez, chers musulmans et musulmanes, que la personne qui mérite le plus que tu sois miséricordieux envers elle est ta propre personne. Sois miséricordieux envers ta propre âme en la sauvant du châtiment d'Allah et en œuvrant pour la sauver et l'épargner du châtiment de l'enfer. Ceci en obéissant à ton Seigneur et en mettant en application ce qu'il t'ordonne de faire. Il dit, subhanahu wa ta'ala, son le sens, a réussi celui qui la purifie, c'est-à-dire celui qui purifie son âme, et est perdu celui qui la corrompt. Sois donc miséricordieux, chers musulmans et musulmanes, envers ta propre âme. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sont les gens et les pierres. Puis, les personnes qui méritent le plus que tu fasses preuve de miséricorde à leur égard, ce sont tes parents qui sont la cause, après Allah Azza wa Jal, de ton existence. Fais preuve de miséricorde sincère à leur égard et rappelle-toi les bonnes œuvres et les immenses services qui t'ont rendu. Rappelle-toi les nuits blanches qu'ils ont passées à ton service. Rappelle-toi ces longues années dans lesquelles ils t'ont éduqué et dans lesquelles ils ont subvenu à tes besoins. Allah Azza wa Jal dit selon le sens, si l'un d'eux ou tous deux, c'est-à-dire des parents, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas ouf et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis: ô Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont éduqué lorsque j'étais petit. Sois miséricordieux envers ta mère lorsqu'elle avant son âge et lorsque sa force commence à diminuer. Adresse-toi à elle de la meilleure des façons. Écoute-la et obéis-lui dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sois à son service, subviens à ses besoins et apporte-lui toute forme de bonnes choses. Sois également miséricordieux envers ton père lorsqu'il atteint un âge avancé et lorsqu'également il commence à perdre de sa force. Adresse-lui des paroles douces et respectueuses. Sois à son service, sois bienfaisant avec lui, fais preuve de gentillesse et de douceur et prends en charge ce qui t'est obligatoire à son égard. ثم اعلموا ايها المسلمون وارحموا العباد ومن ترحم العباد ان ترحموا اولادكم من بنين وبنات رحمه لهم تتمثل في الانفاق عليهم والاحسان اليهم رحمه تتمثل في تربيتهم وتوجيههم وتحذيرهم سبل الردى والفساد فتلك الرحمة الحقيقية لهم وليست الرحمة بمجرد إعطائهم ملذاتهم وتمكينهم من شهواتهم هذه رحمة ضعف وخور وإنما الرحمة الصادقة هي الرحمة المشتملة على كل خير يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر منهم ولدا صالحا يدعو له فالولد إذا ربي على الخير والتقى والفتاة إذا ربيت على العفة والصيانة نشأ الجميع على خير وتذكروا للأبوين تلك السيرة الفاضلة والخلق الجميل ثم اعلموا أن من الرحمة المطلوبة الرحمة للصغار من الأطفال فترحمهم بالإحسان إليهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي فقال له رجل من الأعراب أتقبلون أبناءكم فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم رواه البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه ترحم بالزوجة فتحسن إليها وتحسن عشرتها وترحمها بأمرها بالخير وحثها على الخير وتوجيهها للخير فليس عندك جفاء ولا غلظة ولا قبح قول ولا سوء معاملة ولكن حكمة ورفق وأمر بخير وتحذير من شر ترحم الرحم أيضا فتصلهم بما تستطيع فقير تساويه وغني تزوره وآخر تحسن إليه وهكذا رحمتك لرحمك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن الرحم معلقة بالعرش تقول يا رب أنت الرحمن وأنا الرحيم يقول ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك فتقول نعم فيقول الله فذلك لك ترحم أيها المسلم ترحم على الميت ترحم باليتيم ترحم فاقد الأب أو الأبوين ترحم هذا اليتيم رحمة تحملك على العطف عليه والإحسان إليه وتفقد أحواله والسعي فيما يصلح دينه ودنياه ترحم المريض والعاجز بمساعدته وإعانته وترحم المدين الذي أثقلته الديون ولازمته الهموم تعينه على نوائبه وتسعى في فكاك دينه وتيسر له عسره وتنظره إن كنت صاحب الحق وتعين على إنظاره إن لم تكن صاحب الحق Également, sachez, chers musulmans et musulmanes, que vous devez faire preuve de miséricorde envers vos enfants, garçons et filles. Une miséricorde qui se caractérise dans le fait de subvenir à leurs besoins, d'être bienfaisant à leur égard, une miséricorde qui se caractérise par leur éducation, par leur orientation vers le droit chemin, en les mettant en garde des mauvais chemins et des chemins de la turpitude. Voici la véritable miséricorde dont tu dois faire preuve, chers musulmans et musulmanes, à l'égard de tes enfants. Et ce n'est pas cette miséricorde qui est de se contenter de donner à ses enfants tout ce qu'ils souhaitent et de faire en sorte qu'ils obtiennent toute forme de divertissement. Ceci n'est pas une miséricorde réelle. La véritable miséricorde est la miséricorde qui englobe toute forme de bien. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le fils d'Adam meurt, toutes ses actions sont suspendues sauf trois, et parmi ces actions, un enfant vertueux qui invoque en sa faveur. Ainsi les enfants, lorsqu'ils sont éduqués dans le bien, lorsqu'ils sont éduqués dans la piété, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la fille, lorsqu'elle est éduquée dans la chasteté et dans la crainte de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, alors l'ensemble vit une vie heureuse, et ses enfants se rappelleront de leurs parents qui étaient vertueux et qui leur ont apporté et enseigné les bonnes morales. Fais preuve également de miséricorde envers les enfants et les petits. Sois bienfaisant envers eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour embrassé Al-Hassan ibn Ali, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un bédouin lui a dit, embrassez-vous les enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé et lui a dit, celui qui n'est pas miséricordieux ne bénéficiera pas de la miséricorde. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Sois également, cher musulman, miséricordieux envers ton épouse. Fais en sorte de vivre avec elle convenablement. Sois miséricordieux à son égard, en lui ordonnant d'accomplir le bien, en l'encourageant à accomplir les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, en la dirigeant vers les bonnes choses. Ne sois pas envers elle dur et rude. Ne sois pas envers elle insultant et grossier. Ne te comporte pas de façon mauvaise avec elle, mais fais preuve de sagesse, fais preuve de douceur et dirige-la vers le bien et mets-la en garde contre tout mal. Sois également miséricordieux envers ta proche famille et préserve tes liens de parenté. Lorsque tes proches sont pauvres, essaye de les aider par les biens qu'Allah Azza wa Jal t'a donnés. Lorsqu'ils sont riches, va leur rendre visite, soit de façon générale, bienfaisant avec les membres de ta famille. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, les liens de parenté sont accrochés au trône du miséricordieux. Et ces liens de parenté disent, ô Seigneur, tu es le miséricordieux et nous sommes le lien de parenté. Puis Allah Azza wa Jal dit, voulez-vous que je lie ceux qui vous lient et que je coupe ceux qui vous coupent? Elle a répondu oui. Le lien de parenté a répondu oui. Allah Azza wa Jalla a dit, ceci t'appartient désormais. Sois également miséricordieux envers l'orphelin. Une miséricorde qui t'amène à faire preuve de compassion à son égard, d'être bienfaisant envers lui, de demander après lui et d'accourir vers ce qui est bénéfique pour eux dans leur vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Sois miséricordieux envers le malade, en l'aidant et en faisant en sorte de lui faciliter son quotidien. Sois également miséricordieux envers l'endetté et sache que l'endetté est plein de soucis. Aide-le lorsque cela t'est possible en lui facilitant sa situation. Et si c'est à toi qu'il doit de l'argent, fais en sorte de lui accorder un délai supplémentaire et essaye de faire en sorte qu'on lui accorde un délai supplémentaire si tu n'es pas son créancier. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ثم اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس غيرة على محارم الله، ومع هذا كله فهو أرحم الناس حتى بالعصاة والمذنبين. أتي برجل كان يشرب الخمر مرارا، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان عليه، لا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، رواه البخاري. وقال مرة صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله. فالرحمة على أهل هذه المعاصي أن تنظر إليهم بعين الرحمة، أنهم ضعفوا أمام هذا العدو، تسلط عليهم هذا العدو، فترحمهم بالنصيحة والتوجيه والدعوة إلى الخير والتحذير من أسباب الشر، ترحمهم فتأخذهم على أيديهم ويرحمهم ذو الشأن فيقيم عليهم حدود الله والتعزيرات الرادعة التي تردهم إلى الصواب وتنقذهم من الضلال، فإن حدود الله رحمة للعباد، بها تصلح العباد ويستقيم حالهم. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui avait le plus de jalousie à l'égard des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énervait lorsque les limites d'Allah étaient transgressées. Et malgré cela, il était l'être humain qui avait le plus de miséricorde envers ceux qui commettaient des péchés et des désobéissances à Allah Azza wa Jal. L'on a apporté un homme au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui à plusieurs reprises a bu du vin. Un homme présent a dit qu'Allah le maudisse. Qu'Allah le maudisse. Combien de fois l'avons-nous apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'aidez pas le diable contre lui. N'aidez pas, ne soyez pas des personnes qui aident le diable contre lui. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il aime Allah et son prophète. Ainsi, de faire preuve de miséricorde envers ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala se concrétise en faisant preuve de pitié à leur égard, en considérant qu'ils ont faibli devant leur ennemi qui est le diable, que le diable a pris le dessus sur eux. Tu fais preuve de miséricorde à leur égard en leur prodiguant les bons conseils, en les dirigeant vers le bien, en les appelant à Allah subhanahu wa ta'ala et en les mettant en garde contre toutes les causes qui ont pour finalité le mal. Tu fais preuve de miséricorde envers ceux qui désobéissent à Allah Azza wa Jal en les prenant par la main, et ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'autorité font preuve de miséricorde envers ceux qui désobéissent à Allah Azza wa Jal en appliquant sur eux les sentences d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les sentences d'Allah Azza wa Jal sont une miséricorde. C'est par ces sentences que les gens sont épargnés de l'égarement. Les sentences d'Allah subhanahu wa ta'ala sont une miséricorde pour les serviteurs. Et les sentences d'Allah azza wa jal permettent aux gens de se réformer. Allah azza wa jal dit, et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah et détenteur de la faveur pour les mondes. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الله عز وجل رحيم بكم يعطيكم عن الحسنة الواحدة عشرة ويضاعفها لكم إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة ويعاقبكم على السيئة بمثلها فإن تبتم وأنبتم قبل توبتكم قبل توبتكم وقبل عذركم وتوبتكم أحب إليه وعطاؤه ورحمته أحب إليه من غضبه كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي الله عز وجل أيها المسلم رحمك ويناديك أن تتوب إليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يبسط الله يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل كل هذا رحمة منه بعباده ينزل الثلث الأخير من الليل ينزل في الثلث الأخير من الليل فينادي هل من سائل فيعطى سؤله هل من مستغفر فيغفر له هل من تائب فيتاب عليه أولئك الذين يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فالجو إلى الله وتعرضوا لرحمته وفضله فهو الله أرحم بكم من أنفسكم وأرحم بكم من أمهاتكم وآبائكم رحمكم فدعاكم إلى التوبة والاستغفار والندم والاعتذار والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, sache, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers toi. Allah Azzawajal multiplie les bonnes actions que tu accomplis par 10 et il multiplie ces mêmes bonnes actions par un multiple de 700, voire des multiples bien plus grands. Et Allah Azzawajal ne prend en compte un péché que tu as fait que une seule fois. C'est-à-dire, il ne te comptabilise qu'une seule mauvaise action. Et lorsque tu te repens, et lorsque tu reviens vers Allah Azzawajal, Allah accepte ton repentir et accepte ton excuse et ton repentir est meilleur et plus aimé chez Allah Azzawajal. Et le fait qu'il te donne de sa miséricorde est plus aimé chez Allah que le fait qu'il soit en colère contre toi. Allah Azzawajal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'informe, a dit « Ma miséricorde a précédé mon courroux. » Allah Azzawajal est miséricordieux envers toi, chers musulmans et musulmanes. Et Allah Azzawajal t'appelle à te repentir. Ô vous, mes serviteurs, qui avez été injustes envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Allah est le pardonneur et le très miséricordieux. Il tend sa main, subhanahu wa ta'ala, la nuit, afin que se repente celui qui a péché la journée. Et Allah tend sa main la journée, afin que se repente celui qui lui a désobéi la nuit. Tout ceci, de par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Il descend chaque jour, durant le dernier tiers de la nuit, et dit, y a-t-il une personne pour demander afin que je lui donne? Y a-t-il une personne pour demander le pardon afin que je lui pardonne? Y a-t-il une personne pour se repentir afin que j'accepte d'elle son repentir? Allah Azza wa Jalla dit, cela appelle à l'enfer. Quant à Allah, il appelle au paradis et à une miséricorde de sa part. Revenez donc vers Allah subhanahu wa ta'ala et faites en sorte de bénéficier de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala, car Allah Azza wa Jal est bien plus miséricordieux que vous ne l'êtes envers vous-même. Allah Azza wa Jal est bien plus miséricordieux envers vous que vous ne l'êtes envers vous-même. Allah Azzawajal est bien plus miséricordieux que vos mères et pères le sont envers vous. Allah Azzawajal est miséricordieux envers vous. Il vous appelle à vous repentir. Il vous appelle à demander le pardon. Il vous appelle à regretter et à demander les excuses. Il dit subhanahu wa ta'ala, quant à ceux qui ont commis des turpitudes ou qui ont offensé leur propre personne, puis se rappellent Allah et demandent à Allah de leur pardonner leurs péchés. Et qui d'autre qu'Allah pardonne les péchés sans qu'ils ne persistent dans cela, et tout en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le miséricordieux. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا ونسأله عز وجل أن يدخلنا في رحمته. اللهم ارحمنا رحمة من عندك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.